Contes de fées en français. L'arbre en fleurs. Il était une fois, dans ce pays qu'est l'Inde, un riche marchand appelé Alaïma, qui partait traverser les mers pour vendre en Europe et en Asie centrale ses broderies, son coton et sa laine, son jade et ses pierres précieuses. À cette époque, ses voyages prenaient des mois. Ainsi, à la veille de chaque départ, les amis du marchand se réunissaient dans sa maison pour lui souhaiter bonne chance. Tandis que la fête battait son plein, l'un de ses amis demanda cette fois au marchand entre deux bouchées. « Alaïma, tu t'en vas pour plusieurs mois. Tu ne nous as jamais dit lequel d'entre nous tu voulais mettre en charge de ta maison, de tes biens et de ton entrepôt pendant ton absence. » Oh, ne t'inquiète pas, mon frère. Mon bon Jigme s'occupe de tout. Quoi? Hein? Ce Jigme-là, celui qui s'occupe de tes chevaux? Oui, bien sûr. Est-ce que tout va bien, Alaïma? Jigme n'est qu'un pauvre palefrenier et tu laisses toute ta fortune entre ses mains? Et s'il te vole tout et s'enfuit? Tu es fou de faire confiance à un homme pauvre qui est juste ton serviteur, plutôt qu'à nous, qui sommes tes égaux en statut et en richesse. Je connais Jigme depuis des années. C'est un homme bon et loyal, et je ne le vois pas comme un serviteur. C'est mon ami. Seuls des gens égaux peuvent être amis, Alaïma. Peu importe que tu sois gentil avec ton servant, un servant ne peut jamais devenir un ami. Je ne suis pas d'accord. Jigme s'est occupé de moi. Il a été là pour moi comme un ami. Il ne changera pas d'avis comme ça. Amenons-le auprès du Bouddha. Peut-être que le Bouddha lui fera voir à quel point il est ridicule. Ainsi, les amis du marchand le conduisirent là où le Bouddha faisait sa prêche sous l'arbre de banyan au crépuscule. Ils expliquèrent au Bouddha la situation. Dites-lui, monsieur. Comment peut-il faire confiance à un servant pauvre pour s'occuper de toute sa fortune? N'est-ce pas ridicule, alors que nous, ses amis de même statut social, sommes prêts à tout prendre en charge pendant son absence? Le Bouddha se contenta de sourire et leur raconta une histoire. Il y a très longtemps, un roi vivait à Bénarès. Le roi adorait jardiner et il passait de nombreuses heures dans son beau jardin du palais. Alors qu'il s'occupait de toutes les fleurs, des arbres et des arbustes, il y avait un arbre qu'il aimait particulièrement, l'arbre en fleurs. Personne ne savait quel âge avait l'arbre, mais il trônait en maître au milieu du jardin, tel un monstre divin dont les racines s'enfonçaient au tréfonds de la terre. On disait aussi que ses branches pouvaient toucher les cieux. Toute la ville de Bénarès était fière de cet arbre ancien, que certains pensaient être vieux de plus de 1000 ans. Quiconque l'avait vu ne pouvait s'empêcher d'admirer sa force et sa taille. Tout le monde était si fasciné que personne ne remarquait jamais la petite touffe d'herbe coucha qui poussait près de ses racines. Un jour, le roi et la reine prenaient le thé dans la pièce principale de leur palais, quand soudain, quelques particules de plâtre tombèrent sur le roi. Du plâtre ? Le roi regarda en l'air et vit une craquelure qui allait jusqu'à l'énorme pilier qui retenait le plafond. Il était clair que le pilier allait casser, et s'il n'était pas remplacé rapidement, alors le plafond et le palais tout entier allaient s'effondrer, tuant toutes les personnes qui s'y trouvaient. Le roi comprit le danger et envoya immédiatement ses servants et ses charpentiers dans les jardins du palais pour trouver un arbre assez résistant pour reconstruire le pilier avec. Les servants cherchèrent dans tout le jardin et revinrent avec ces mots. Le seul arbre assez fort pour construire un pilier de cette taille, c'est l'arbre en fleurs, monsieur. Oh! « Mon arbre préféré, êtes-vous sûr ? On a regardé tous les arbres du palais royal, mais aucun n'est assez costaud. Aucun, sauf l'arbre en fleurs. Le roi fut attristé de penser à son arbre en fleurs chéri qu'on allait devoir couper. Mais il n'y avait vraiment aucune autre solution. Oh, je ne peux pas risquer la vie de tant de personnes qui vivent dans mon palais, juste pour sauver mon arbre adoré. Alors, d'accord, coupez-le s'il le faut. L'esprit de l'arbre en fleurs, ainsi que les esprits de tous les autres arbres et oiseaux, sentirent le désastre qui allait arriver. On allait couper le fameux arbre mystique et ancien. Les oiseaux arrêtèrent de chanter, la brise de souffler. Le jardin fut plongé dans une aura de tristesse et devint sans vie. Alors, l'esprit de l'herbe de Kusha s'adressa à l'arbre. Le lendemain, quand les bûcherons vinrent couper l'arbre et qu'ils s'apprêtaient à faire tomber leur hache sur le tronc... Attendez, on dirait que l'arbre est en train de pourrir ici, vous voyez? La couleur du tronc. Oui, et c'est mou ici. On ne peut pas couper cet arbre. Il ne sera jamais assez robuste pour en faire un pilier massif. Je ne comprends pas. Encore hier, cet arbre était assez solide et robuste, même magnifique. Et maintenant, il pourrit de partout. Peut-être qu'il est là pour ne jamais être coupé. Quand les bûcherons s'en allèrent, les oiseaux se remirent à chanter. Le vent dansa gracieusement autour des branches. Et c'était comme si quelqu'un venait d'infuser la vie et la joie à nouveau dans le jardin. L'arbre en fleurs redevint cet arbre solide et magnifique. Les autres arbres furent choqués d'assister à cela. Grand arbre, tu sembles en parfaite santé. Comment as-tu fait pour rendre ton tronc tout pourri? Oh, c'est uniquement grâce à l'esprit de mon ami Kusha. Il a parlé à l'esprit du caméléon, qui a ordonné au petit caméléon de monter s'asseoir sur mon tronc et d'en changer la couleur pour le rendre comme pourri. Quand les bûcherons ont vu ça, ils ont eu l'impression que mon tronc était en train de pourrir. Mais comment as-tu rendu ton tronc mou comme ça? Ces caméléons très intelligents se sont mis à remuer très vite quand les bûcherons touchaient le tronc. Et au lieu de toucher le tronc, ils ont en fait touché les corps mous des caméléons. Et ils ont pensé que mon tronc était mou et pourri. C'est dingue, Kusha! Alors que nous, des soi-disant arbres sacrés, n'avons rien pu faire pour aider notre ami. C'est ta sagesse qui a permis de sauver sa vie. Merci beaucoup! Et ainsi, le Bouddha arrêta là son histoire. L'amitié et la confiance sont offertes à ceux qui sont sages et loyaux. La sagesse et la loyauté n'ont rien à voir avec le statut social d'une personne. Nous devons regarder les qualités de chaque personne plutôt que son apparence extérieure comme la richesse, le statut, l'âge ou le métier. En entendant cela, le marchand sourit à ses amis qui quittèrent cette fois Bouddha plus humble et plus sage qu'avant. Plus jamais ils ne jugèrent une personne sur la base de son argent ou de son statut. Et ils décidèrent de regarder plutôt les valeurs de la personne, de voir si elle était bonne et loyale, pour ensuite la traiter avec respect.